C'est pas dans les livres scolaires que l'on apprend à baiser. Leur cours d'éducation sexuelle ne concerne que les MST. Aucun souffle ne transparaît, à part celui qu'ils croient divin. Quand mes mains tendrement caressent, que ma langue est flirtée. C'est pas dans les livres scolaires que l'on apprend à faire l'amour, hormis celui de la patrie, de la nation et des vautours. Pas un seul mot sur le désir, lorsque l'ambiance est à la fête, lorsque le sang se met à bouillir, quand nos deux bouches touchent nos. C'est pas dans les livres scolaires que l'on apprend à être en forme. Leur manuel pour le kidam moyen ne traite que du condom. Aucune parole sur les fantasmes, qu'on se tisse vite les attaches, bien avant d'atteindre l'orgasme, comme un André Danta. C'est pas dans les livres scolaires que l'on encense l'onanisme, le plaisir sans le partenaire quand il souffre d'absentéisme. C'est vu comme un normal critère, c'est les dieux qui tombent sur la tête, c'est un petit tremblement de terre quand on s'exerce à la. C'est pas dans les livres scolaires, même pas au chapitre Grèce antique, que l'on aborde la sodomie différemment d'une prise de risque. On a relégué Callipyge aux orties et au consensus, et l'on a nié les vertiges quand on s'attarde à nos. C'est pas dans les livres scolaires qu'on apprend à varier les plaisirs. Y'en a que pour la guerre et la gloire, qui à elles seules doivent nous faire jouir. Alors que tant de positions diverses devraient nous permettre l'ivresse du paradis sur terre en missionnaire ou en. C'est pas dans les livres scolaires qu'on aura appris les astuces, pouvoir assumer notre corps sans interdit et sans abus. Il nous reste à tous à découvrir et à se prendre mille jours entiers, afin de pouvoir nous blottir et passer ce temps à.